Can sing that blah blah blah blah. Sing Daniel, sing the ones who attack the engine, the giant. Ok, t'as peu. Ah, écoute ça, écoute ça. Je l'ai T'as lu. vu ce qu'ils écrivent sur le site? Ouais. Ils disent, puisque la Ok, t'as latency peu. inhérente de l'Internet Oui. empêche, blablabla, ben, Oui. leur solution, c'est de faire en sorte que la latency soit vraiment plus longue. Ah, je sais, j'ai lu ça. T'as peu, je vais faire un test, ok? Non, je sais, j'ai eu le bon. Mais je vois pas ce qu'on a à 1, 2, 3, 4, 5, 6, faire. Ça peut, je 7, vais faire 8, un test, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aïe, t'as peu. Je vais genre te faire une track de 16 temps, puis t'as rien qu'à jouer dessus. Attention, je suis en arrière. Thank you.